Chapitre 10e, au nom de la loi. Fouinard avait chancelé sous le choc, mais il n'était pas tombé. Il avait rebondi sur ses jambes, puis il s'était rué sur celui qui l'avait frappé, un grand et gros homme, enveloppé d'un long cache-poussière. Et si rapidement qu'on n'aurait pas eu le temps de compter jusqu'à quatre, Justine s'était abattue, sifflante, sur le visage de l'individu en croix, creusant de lignes rouges. Le misérable porta les deux mains à son visage avec un rugissement. Alors Fouinard se courba, s'aplatit pour ainsi dire sur le trottoir, et d'un élan passa entre les jambes de l'homme qui, soulevé de terre pour ainsi dire, s'affala sur la pierre, la tête en avant. Fouinard, se retournant, lui sauta sur le dos d'un élan vigoureux et lui ramena les deux bras en arrière. Et la ficelle, le fouet, fit son jeu. Les deux ficelles furent serrées, fraternellement, dans une étreinte qui valait toutes les menottes du monde. L'autre, à demi assommé, cherchait à lancer des coups de pied en arrière. « Bon, il faut faire la bonne mesure, » dit Fouinard. D'un revers de sa canne, il battit les mollets qui se détendirent, et d'un tour de poignet, il attacha les chevilles comme les bras. L'homme, cependant, se tordait. Il ne criait pas, sans doute parce qu'il ne se souciait pas d'ameuter le voisinage, mais il pouvait crier, et Fouinard ne le voulait pas. Alors il sortit de sa poche la petite boîte de caoutchouc qu'il y avait cachée, et soulevant la tête du gredin, il la lui introduisit entre les dents. C'était bel et bien une poire d'angoisse, mais d'un genre particulier, comme on verra. Fouinard alors avait avisé au coin du quai l'autotaxi qu'il avait prié Suzon de retenir et de garder à sa disposition. « Ah, vous enfin, que se passe-t-il ? Rien de bien grave. Seulement j'ai un ami absolument pochard qui est affalé là sur le trottoir et que je voudrais emmener à la maison. Il ne peut pas se tenir debout. Hey, Watman, est-ce que vous voudriez me donner un coup de main ? Tout ça sera bien payé, allez. » Le Watman ne semblait pas être disposé à se montrer complaisant, quand de derrière la voiture un homme surgit. « Oh, si je peux vous servir à quelque chose, disposez de moi. » C'était Michel Gerbet, le brave garçon qui se tenait prêt à tout événement. « Toi ? » fit Fouinard. « Eh bien, tu arrives à pic. Viens un peu par ici. »« Dépêchez-vous un peu, » dit le Watman. « J'aime pas moisir. Te frappe pas. Ça va être fait en cinq secs. » Fouinard et Michel arrivèrent auprès du personnage qui n'avait pas bougé. « Enlève ça par un bras, moi par l'autre. Il faut que nous le tenions debout et qu'il ait l'air de marcher. » « Une, deux, ça y est, vas-y Michel. » L'homme, incapable de résister, les poignets et les jambes liés, se laissait entraîner. Il avait l'air de glisser sur le sol. On arriva à la voiture et on le hissa sur la banquette. « Eh ben, il a son compte, » dit le Watman. La voiture fila, et deux minutes après, elle s'arrêtait à la maison du faubourg Saint-Martin. L'homme n'avait pas bougé. Michel, qui était d'une vigueur exceptionnelle, le prit à bras-le-corps et l'emporta, tandis que Fouinard payait royalement le Watman et revenait sonner à la porte. Il ne s'agissait plus que de monter l'escalier, mais chacun y mit la main, et enfin le colis humain fut hissé, et dans l'étroit logis du comédien, planté sur l'unique fauteuil. Et alors on entendit quelque chose d'étrange, un chant d'oiseau. « Tiou, tiou, tiou, pi, pi, rou, rou, rou, tiou, tiou. » Michel et la petite Suzon étaient restés interdits, stupéfaits. « Qu'est-ce que ça ?» comme a orthographié Victor Hugo dans Les Misérables. « Ça, dit Fouinard, c'est monsieur qui cause. » Il désignait de la main le gros homme qui se tordait sur le fauteuil, les yeux hors de la tête, ses mâchoires se convulsaient sur la poire de caoutchouc qu'il s'efforçait, mais en vain, de retirer de sa bouche. Et c'était cet effort même qui produisait l'étonnant gazouillis. « Voyez-vous, mes enfants, ce que monsieur a dans la bouche, c'est un petit joujou bien simple qui m'a servi dans le temps quand je faisais des tours dans la baraque de mon patron, à la fois de Neuilly ou autre. Une simple boîte de caoutchouc munie d'un petit sifflet articulé. » On se fourre ça dans le bec, on ne peut pas parler, c'est vrai, mais ce qu'on gazouille gentiment, vous allez voir. » Il se posa devant le prisonnier. « Ça, mon vieux Van Kopfen, causons un bras. Tu as voulu me casser la margoulette, ou pour être plus exact, le ciboulot, c'est-à-dire le crâne. Seulement, petit Fouinard, qui n'est pas la moitié d'une bête, t'avais aperçu dans la salle, où tu avais le plaisir de m'admirer et de te tordre de rire, tout en pensant, oh le petit méchant, à me crever, si tu en avais le pouvoir. » Tu n'avais pas la moindre intention d'aller au théâtre, jusqu'à ce que le hasard, tu mis mon portrait sous le nez dans un journal. Mais alors, tu as reconnu le groom qui t'avait embêté là-bas au Continental, et dont l'indiscrétion t'avait contraint à filer dardard pour d'autres cieux, c'est-à-dire pour un autre quartier. L'idée était venue, très naturellement, de te débarrasser de moi. Mais petit Fouinard n'a pas perdu la carte. Te sachant capable de tout, il avait pris ses précautions. Il retira sa casquette de l'outre. « Ça a l'air d'une casquette, pas vrai ?»« Regarde, c'est un casque en dessous et du plus bel acier. Encore un outil de prestidigitateur. » Tu comprends fort bien que je t'avais deviné. Tu ne me donnerais pas un coup de couteau parce que ça fait du sang et que c'est salissant. Une balle de revolver, ça fait du bruit, et tu n'avais pas intérêt à tirer le monde. Alors, l'assommage était indiqué, pas vrai ? Van Kopfen, puisque c'était lui, se trémoussait sur son fauteuil, essayant de parler, de crier peut-être, mais il ne réussissait qu'à ponctuer le discours de Fouinard de « Kirikiu, de pit-pit-pit, trou-trou » le plus délicat effet. Malgré la gravité évidente de la situation, Petit Suzon se tordait. « Donc, mon petit, tu m'as d'abord attendu à la sortie de la rue Victoria, mais quand le dernier cabot a été parti, tu as demandé s'il n'y avait pas une autre issue, et on t'a indiqué celle de la rue des Lavandières. Tu m'as guetté, et tu sais le reste. Tiou, tiou, ri, ri, zi, zi. » Parfaitement, j'allais le dire. Tu ne manques pas d'esprit, mon bonhomme, mais tu n'as pas de jugeote pour deux sous. » Et il ajouta lentement, « Tu as cru que pour cacher un assassinat, il suffisait d'en commettre un second. Tu as eu tort. » Van Kopfen eut un soubresaut de tout le corps et fit d'épouvantables grimaces pour parler, tandis qu'il agitait la tête en signe de dénégation furieuse. « Tit, ti, ti, ouet, ouet, ouet, sous, route, » gazouillait-il avec rage. « Si je t'ai bien compris, » reprit Fouinard, « tu nies. »« Quoi ? Que tu as voulu me tuer ? Sans vouloir t'insulter, tu rends ce cas rude culot. » Même jeu de Van Kopfen, signe de dénégation et tiou, tiou, désespéré. Alors, ce que tu nies, c'est l'autre crime, le premier ? Oui, oui, fit la tête pendant que les lèvres lançaient un ri, ri éclatant. On frappa la cloison et une voix mâle cria. Quand on a un sale serin comme ça, on ouvre la cage pour l'empêcher de chanter. Tu entends, Van Kopfen, tu embêtes le monde. Aussi bien tu as assez roucoulé comme ça. Je t'avertis d'ailleurs, qu'eusses tu les mains libres, tu ne pourrais te débarrasser du petit engin que j'y ai fourré. Un autre t'étranglerait tout simplement parce qu'il n'aurait pas le tour de main. Maintenant es-tu disposé, si je te rends la disposition de ta langue, à t'en servir pour répondre franchement aux questions que je vais t'adresser ? Oui, oui, proféra la muette le prisonnier. Ça va bien. Ouvre ton bec, et tu sais, ne mords pas. Ou Justine, que je te présente, te cinglera à te couper la bouche en deux. La canne haute dans la main gauche, de la main droite, il fit sauter l'étrange engin qui paralysait la langue de Van Kopfen. La poire tomba par terre, Fouinard la ramassa et la plongea dans sa cuvette où il versa de l'eau claire, puis de l'eau phéniquée. « Avec les bons hommes comme toi, fit-il, faut se défier de la rage. » « Là-dessus, mon petit, réponds oui ou non à ma première question, oui ou non, ou je cingle. » « Tu sais bien quel est l'assassin du sieur Templier, usurier rude. » Mais il n'acheva pas. Des pas précipités résonnaient sur les marches de bois de l'escalier. Fouinard tendit l'oreille, on montait, on avait dépassé l'étage inférieur. « Oh oh ! » fit-il, « qu'est-ce qui se passe ?»« En attendant, mon bonhomme, nous causons plus tard. » Rapidement, avec une dextérité qui déjoua toute résistance possible, il replaça la poire d'angoisse dans la bouche de son prisonnier. Au même instant, des coups brutaux ébranlaient sa porte, tandis qu'une voix forte criait « Ouvrez, au nom de la loi !» Fouinard, très calme, obéit à l'ordre donné. Et M. Charlet, chef de la sûreté, parut sur le seuil, ayant derrière lui une demi-douzaine d'argousins.